إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 29 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, avec le commentaire du Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qui s'intitule At-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et donc le cours d'aujourd'hui, on explique, on est arrivé au dernier cours à la parole de Cheikh al-Islam lorsqu'il mentionne que les gens qui ont dévié de la voie des salafs sont de trois catégories, trois groupes. On a parlé de ces trois groupes-là et on a dit qu'ils sont Ahlul Takhyil wa Ahlul Ta'wil wa Ahlul Tajhil. On a expliqué, ou on a commencé à expliquer Ahlul Takhyil qui ils sont. Donc peut-être faire un retour là-dessus, hein, et expliquer qu'est-ce qu'on parle, de qui on est en train de parler par rapport à ces trois groupes. Et pour ça, on va mentionner donc qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait expliqué, dans qu'est-ce qu'on a lu dans le cours d'avant. C'est-à-dire pas le cours précédent, mais le cours avant celui-là, le cours 27. On a expliqué que parmi les gens de l'écartement, hein, on a réfuté certains de leurs shubuhat du fait que, on a expliqué que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était ansahun nas, et qu'il était afsahun nas, hein, et qu'il était également, hein, c'était quoi le troisième? Si je me souviens bien, c'était ansah, afsah et a'lam. Qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agit de la religion, et en particulier des fondements de la foi, et en particulier des noms et des attributs d'Allah, et de la foi en Allah, il est a'lamun nas, le plus savant des hommes, wa afsahun nas, le plus éloquent, le plus clair, et le plus précis des hommes, et ansahun nas, c'est-à-dire le plus sincère, le plus véridique des hommes. Et donc, ça implique quoi? Ça implique que personne n'a plus de connaissances que lui au sujet des noms et des attributs d'Allah et au sujet de la religion. Et en même temps, que c'est lui le plus sincère, donc qui ne va pas cacher aux hommes la connaissance dont ils ont besoin à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier à propos de ses noms et de ses attributs. Et qu'il est afsahun nas, c'est-à-dire il est le plus éloquent. C'est-à-dire que lorsqu'il va parler de ces sujets-là, et lorsqu'il va expliquer ces sujets-là, il va en parler de la meilleure façon, utiliser les meilleurs termes, et être le plus éloquent, et que personne ne pourra ramener ou utiliser des termes meilleurs que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramenés. Donc si quelqu'un contredit dans un de ces trois principes-là, ou un de ces trois points-là, et qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui savait mieux que lui, après lui, hein, ou bien que quelqu'un était plus sincère que lui dans la clarification de ces choses-là, ou bien que quelqu'un était plus yani, éloquent que lui et qu'il parlait mieux à propos d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors vous savez que c'est une personne qui est sur l'égarement et c'est une personne qui dénigre en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les gens de l'égarement, il y a ces trois cas-là sont apparus. On a vu ces trois caractéristiques-là parmi les gens. Le premier, Ahlul Tahyil, c'est ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui avait beaucoup d'imagination, qui imaginait beaucoup de choses, et il faisait croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies, pour les contrôler, ou bien pour d'autres raisons. Hein, parce qu'ils prétendent que les gens, par eux-mêmes, ne sont pas assez intelligents pour accepter ou pour comprendre l'obéissance et des choses de ce genre. Alors, il leur a inventé des croyances et des idées avec son imagination. Donc, ça, c'est Ahlul Tahyil. Ces gens-là, ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sincère. Soit qu'il savait la vérité, mais qu'il l'a cachée, ou qu'il leur a pas dit la vérité telle qu'elle est, ou bien qu'il ignorait lui-même la vérité. Donc, il rentre dans la catégorie de Ahlul Tajhil, qui accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ignorance, hein, qui ne savait pas la signification des noms et des attributs. Et il y a Ahlul Ta'wil, ceux qui disent qu'on ne doit pas prendre les attributs tels qu'elles sont, il faut les déformer de leur sens réel. Donc, ils prétendent en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas exprimé les paroles qu'il a mentionnées à propos d'Allah, de ses noms et de ses attributs, que ce n'étaient pas les bons termes, qu'il faut changer ces termes-là ou utiliser d'autres termes. Yani, ça, c'est un résumé pour vous faire comprendre un peu, pour vous remettre dans le contexte de ce qu'on a expliqué au dernier cours. Donc, on a commencé avec la première catégorie, Ahlul Tahyil. Hein, Ahlul Tahyil. Et on a expliqué, comme le Cheikh Ibn Taymiyyah l'a dit, il a dit, Humul Mutafalsifa, wa man salaka sabilahum, min mutakallimi. Donc, Cheikh l'Islam, il dit que ce sont les gens qui se prétendent philosophes parmi ceux qui ont suivi leur voie. Ceux qui se prétendent philosophes et ceux qui ont suivi leur voie parmi les gens de Kalam et parmi les mutasawwifa, les soufis. Donc, Ahlul Kalam, on les trouve, pas Ahlul Kalam, mais plutôt Ahlul Tahyil, on retrouve ces gens-là surtout parmi eux des philosophes, des gens qui se réfèrent à la philosophie. Parmi les Shi'as, on a l'exemple des Ismaïliyas et des sectes ésotériques. Des sectes ésotériques comme les Bardiniyoun, comme les. On a aussi par exemple les Karamita. Il y a également. Yani les Druzes et les Nusayriyas et d'autres groupes de ce genre, eux, ils interprètent la religion yani, comme des philosophes. Et ils disent, les anges, hein, ça n'existe pas vraiment. Le paradis et l'enfer, ça n'existe pas vraiment. La foi, yani, les choses que le prophète nous a enseignées du raïb, ça n'existe pas réellement. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, pour eux, c'est quelque chose d'abstrait, n'a pas d'attribut, n'a pas de nom. Hein, ils nient tout ça. Et ils disent que les ordres et les obligations religieuses, ça c'est pour les gens du commun, les gens simples, les gens qui ne comprennent pas. Mais la réalité, c'est que nous, on a atteint un autre niveau de connaissance, on est plus élevé que le commun des gens. Donc, on a trouvé des significations secrètes hein, et cachées de ce qui est dans la révélation. Le Coran et la Sunna, pour eux, ils disent ça, là, c'est des paroles pour les gens du commun. Nous, hein, on a compris le sens caché de ce qui est dans ces textes. Et on n'a pas besoin donc de les suivre comme le reste des musulmans. On est au-dessus de ça. Donc ça, c'est l'exemple de ces gens-là qu'on appelle Ahlul Tahyil. Et parmi les gens de Kalam, il y a des gens de cette catégorie-là. Parmi les philosophes, il y en a parmi les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyah, il y a cette catégorie. Et parmi les mutasawwifa, ça se trouve dans plusieurs turqs soufiyas, il y a des gens qui ont ces idées-là aussi. Ils interprètent la religion d'une façon. Ils divisent la religion en, ils disent, il y a la sharia, il y a la haqiqa. La charia, c'est pour les musulmans du commun, et ceux parmi les musulmans qui sont des élites, qui ont atteint un autre degré, un autre niveau, eh bien, eux, ils ont la haqiqa, la réalité. Hein? Et donc, ils ne sont pas soumis ou sujets à yani, obéir à tous les ordres d'Allah et à se soumettre à ce qui est révélé. Et ils ont des pouvoirs surnaturels, des choses de ce genre, ce sont des awliyas, et ainsi de suite. Et ils font des awliyas dans l'islam, des êtres surnaturels. Hein? Donc, ça c'est yani, parmi les exemples d'égarements qui sont apparus chez les soufis. Ils ont interprété la religion avec yani, les explications et les interprétations des philosophes. On a expliqué au dernier cours les paroles de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il a expliqué un petit peu le développement, ou bien plutôt la dégradation hein, de l'égarement des soufis et comment ils ont dévié dans ces questions-là. Le Cheikh, il dit, donc maintenant, Cheikh l'Islam, il dit ensuite, dans qu'est-ce qu'on lisait, فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. Donc Cheikh l'Islam il dit, ces gens-là parmi les gens de Takhyil, parmi les philosophes et les soufis et les gens de Kalam comme on a mentionné, eux ils disent quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, ils disent ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi les questions qui ont rapport avec la foi en Allah et au jour dernier, ça ils disent que c'est seulement des choses yani, de son imagination yani, il a imaginé ces choses-là. Et il les a imaginés dans le but de faire profiter la masse des hommes. Mais ce n'était pas dans le but de leur expliquer la vérité ou de guider la création, de guider les hommes, ni de leur clarifier des réalités et des vérités. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit « أصحاب التخييل يقولون إن هذا الذي قاله الرسول ليس حقيقة وإنما هو تخييل لأجل مصلحة الناس فهو من الكذب من أجل المصلحة كما يقولون قبحهم الله. » Donc le Cheikh il dit, les gens de Takhyil, ils disent donc qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ne le disaient pas comme étant une réalité, une vérité. Ils disent que c'était uniquement des choses imaginaires, des choses illusoires, et qu'ils disaient ça aux gens pour le bien des gens. Il leur cachait la vérité ou il leur mentait au sujet de ces choses-là pour leur bien. Donc, il dit que c'est comme s'ils disent qu'ils faisaient un mensonge, ils disaient un mensonge, mais pour le bien des gens. Que Allah les maudisse. Donc, le Cheikh, que Allah les maudisse. C'est grave. Donc, le Cheikh, il dit ensuite, وَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ ثُمَّ هُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ. Donc, Ibn Taymiyyah, elle dit, ces gens-là de Ahl al-Takhyil, ils sont de deux groupes. Deux catégories. Cheikh Al-Fawzan il dit ثم انقسموا الى قسمين. القسم الاول من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الحقيقه ولكنه لم يبينها وهذا معناه التضليل للناس. والقسم الثاني من يقول الرسول لا يعرف الحقيقه ولذلك تكلم بخلافها وهذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit se sont divisés en deux groupes, les gens de Takhyil. Le premier groupe, c'est ceux qui disent le messager sallallahu alayhi wa sallam connaissait la réalité, mais il ne l'a pas clarifiée. Hein? Et ça c'est la signification. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour eux, le messager sallallahu alayhi wa sallam voulait égarer les hommes. C'est ça la réalité de ce qu'ils sont en train de dire. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui disent le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas la réalité. Et c'est pour ça qu'il a dit le contraire de la réalité. Donc, ça, c'est les gens qui accusent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'ignorance. Hein? Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, donc il explique les deux catégories, il dit, « Minhum man yaqul inna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam ya'lam al-haqa'iq ala ma hiya alayhi wa yaqulun inna min al-falasifati al-ilahiyya man alimaha وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها فيزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, parmi eux, il y en a qui disent que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas les réalités telles qu'elles sont. Et eux, ils disent que parmi les philosophes de la religion, c'est-à-dire, il y a des philosophes qui ont parlé des questions religieuses, des choses qui ont rapport avec la religion, et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par « falasifatul ilahiyya » Il dit, الفلاسفة على قسمين فلاسفة يعترفون بالإله وفلاسفة ملاحدة لا يعترفون برب. Donc le cheikh dit il y a deux catégories de philosophes, les philosophes qui reconnaissent l'existence d'une divinité et les philosophes athées qui ne reconnaissent pas l'existence d'un seigneur. Donc ceux parmi les philosophes qui croient en Dieu ou qui reconnaissent l'existence d'une divinité, ils prétendent que parmi eux, il y en a qui ont connu la réalité. C'est-à-dire qu'ils connaissent la réalité et les questions qui ont rapport avec la foi en Allah et le jour dernier. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Al-philosophe, indahum, a'lamu min al-rasoul. Was-soufiya, indahum al-wali, fauq al-rasoul. Walihada yaquloun, وهذا كلام ابن عربي في كتابه يعني الفتوحات المكية يقول ولهذا يقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit comme ابن عربي الصوفي هيريتيك égaré qui a propagé la croyance en وحدة الوجود, qui disent que tout est Allah, que Allah est tout, et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, et que tout est un. Hein? Donc ça, c'est des croyances de kufr et de shirk. Eh bien, il disait, par exemple, que comme il dit à certains philosophes, ils disent que les philosophes sont plus savants que les messagers, à propos de la religion. Et parmi les soufis, il y en a qui disent que le wali, le saint, dans la définition des soufis, est plus savant, et plus le saint, le wali, est plus savant que le messager. Hein? Allah musta'an. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Ibn Arabi, il a dit ça dans un de ses poèmes, dans son livre, Al-Futuhat al-Makkiyah. Il a dit, le degré, ou la station de la prophétie est dans une barrière un peu plus haut que le messager et en dessous du wali. Un peu plus haut que le messager et en dessous du wali. Donc ça veut dire que le prophète pour eux est en dessous du wali. Et il y a des paroles comme ça dans les paroles de Ibn Arabi, dans les paroles de d'autres parmi les shuyukh soufiyya qui prétendent que les awliya et les philosophes sont plus savants à propos d'Allah et du jour dernier que les prophètes. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr et du shirk. Et tu vas remarquer que les shuyukh soufis, ils ne vont pas se prétendre prophètes. Ils ne vont pas dire « moi je suis un prophète ». Toutefois, quand tu lis les choses qu'ils mentionnent à propos de leur personne dans leur livre, tu vois que en réalité, c'est comme s'ils se prétendaient des prophètes. Puisqu'ils disent, j'ai vu un ange, l'ange est venu me parler, l'ange m'a donné des informations, l'ange m'a expliqué des choses. Ou bien ils disent, j'ai eu des connaissances d'Allah directement. Allah m'a parlé. Et c'est pour ça même certains d'entre eux, ils disent, moi je ne prends pas comme ils se, pour, quand ils veulent parler des gens de la sunna, qui s'accrochent à la sunna et au hadith, ils disent, vous, vous prenez votre religion des morts. Hein? C'est-à-dire des narrateurs de hadith qui ont rapporté le hadith, mais qui ne sont plus vivants aujourd'hui. On dit, haddathana fulan, haddathana fulan. Hein? Un tel, il nous a transmis, un tel nous a transmis. Et cette chaîne de transmission, c'est des narrateurs qui sont déjà morts. Donc ils disent, vous, vous prenez votre religion d'un mort qui l'a transmis à un mort. Tandis que nous, on prend notre vivant, non, on prend notre religion directement du vivant, c'est-à-dire directement d'Allah. Hein? Ils disent, haddathani rabbi an qalbi. Ou haddathani qalbi an rabbi. C'est-à-dire, mon cœur m'a transmis, m'a dit de mon Seigneur. Donc ils disent, moi je reçois directement la connaissance directement d'Allah. Donc je n'ai pas besoin de passer par les hadiths, pas besoin de passer par le Coran. Je passe directement et je prends ma science directement d'Allah lui-même. Hein? Donc ça c'est pas se prétendre prophète. Ça c'est pire même que se prétendre prophète. Parce que même les messagers, certains d'entre eux ont la révélation par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Hein? Eux non, pas d'ange, rien, directement. Même hey, Allah Moustahan, certains d'entre eux, tu sais quoi? Ils prétendent même que leur cheikh, le wali, il monte en haut des sept cieux et il va regarder qu'est-ce que Allah a écrit dans Lawh al-Mahfouz. Et pour connaître qu'est-ce qu'il y a dans le ghaib. Hein? Allah Moustahan. Donc pour eux, que le wali connaisse le ghaib, c'est une condition pour être un wali, selon eux. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas un wali s'il ne connaît pas le ghaib. Donc ça c'est du shirk déjà, de prétendre qu'un être humain peut connaître le ghaib en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'une créature peut connaître le ghaib, ça déjà ça, c'est du shirk parce que tu donnes à une créature une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pas permis. Donc, ça c'est des exemples de ce qu'on retrouve chez les soufis et ils prétendent, comme je dis, ils le disent eux-mêmes dans leurs livres, sans aucune gêne, qu'ils sont meilleurs que les prophètes, meilleurs que les messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit, cher? Il dit, ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. Donc il prétend que parmi les philosophes qui ont parlé de religion, il y en a qui ont connu la réalité. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء. Donc il dit également parmi les personnes qu'ils appellent des أولياء, il y en a qui parmi eux ils disent qu'ils l'ont connu cette réalité là aussi. ويزعمون أن من الفلاسفة. Et ils prétendent que parmi les philosophes et parmi les awliya, il y en a qui sont plus savants à propos d'Allah et à propos du jour dernier que les messagers envoyés. Et on retrouve cette parole chez les extrémistes, parmi les athées et parmi les hérétiques, chez les philosophes et chez les gens qui ont des croyances ésotériques parmi les différentes sectes également, les rafidah, les Ismaïliya, les Nusayriya, les Duruz et les différentes Turuq Soufiya, on retrouve ces croyances-là chez eux. Et le Cheikh dit justement Batiniyat al-Shi'a wa Batiniyat al-Soufiya. On a expliqué que les Batiniyat, c'est les gens qui disent qu'il y a dans la révélation, il y a un côté qui est apparent et un côté caché. Et que le côté apparent, c'est pour le commun des musulmans. Et le côté caché, c'est pour les élites, pour les initiés, parmi les gens qui sont rentrés avec eux dans leur secte. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, Al-Batiniya hum ulat al-Shi'a, wa minhum al-Isma'iliya, wal-Fatimiyoun, wa minhum al-Qaramita, wa minhum tawa'if, yadda'ouna anna al-Nusus laha batin, wa laha zahir. Wa al-Zahir ya'lamuhu al-Awam, أما الباطن فلا يعلمه إلا خواصهم إلا خواصهم وهم ومن باطنية الصوفية ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والحلاج. Donc le cheikh, il dit que les batiniya, ce sont les, il y a parmi eux les extrémistes des chiites. Comme on a expliqué plusieurs fois, les chiites, ce n'est pas une seule secte. Parmi les chiites, il y a plusieurs sectes. Hein? Et il y a, parmi ces sectes-là, il y a les ismaïliyas, il y a les fatimiyons, hein? Il y a les qaramita, et il y en a beaucoup d'autres. Hein? Et toutes ces sectes sont des sectes extrémistes parmi les parmi les chiites. Il y a les rafidats aussi. Et les rafidats, justement, c'est quoi leur croyance? C'est la croyance en les 12 imams. C'est ceux qu'on appelle, en français, ils les appellent les duodécimains, c'est-à-dire ceux qui croient en 12 imams. Hein? Et on les appelle aussi imamiya, ou bien ja'fariya, ou bien isna ashariya. Isna ashar, ça veut dire 12. Donc, isna ashariya, c'est-à-dire ceux qui croient en 12 imams. Et ceux-là, c'est la même chose. Ils croient que ces 12 imams sont des êtres surnaturels. Ce sont des descendants de Ali, hein, en commençant par Al-Hussein, après Ali, Ali, Hussein, et les descendants de la famille de Ali radiallahu anhu et de Fatima. Donc, ils donnent à ces êtres humains-là des caractéristiques divines, de connaître le ghaib et d'avoir le contrôle de l'univers. Ils disent que ce sont des imams qui ont été choisis pour être imams depuis le début, même avant même la création des cieux et de la terre. Ils disent qu'avant d'être des imams, avant d'être des êtres humains, ils étaient des lumières qui tournaient autour du trône. Hein, et qu'ils ils disent que tous les atomes de l'univers se soumettent à leur autorité. Et qu'il n'y a pas une époque qui peut être sans qu'il y ait un imam. Et ils disent que l'imam de notre époque, c'est l'imam invisible, hein, l'imam al-Ra'ib, le Mahdi. Ils disent que ça fait 1200 ans qu'il est rentré en état d'invisibilité, et qu'à la fin du temps, il va apparaître pour établir la justice dans le monde. Et il va faire ressortir les sahaba de leur tombe pour les châtier, en commençant par Abu Bakr et Omar. Et donc, ils vont les punir, ils vont les châtier, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de leur croyance d'égarement. Okay? Et donc, eux aussi sont des batiniyas. Si tu lis leur tafsir du Coran, tu vois clairement que ce sont des gens qui ont un tafsir vraiment insensé du Coran. Tu vois, comme il y a des exemples, Cheikh Rabia, Hafizahullah, il a écrit un livre justement pour réfuter les rafidahs, et il a justement ramené les différents tafsirs qu'ils ont et les paroles qu'ils ont, comment ils interprètent les versets. Et tout ce qui est dans le Coran, pour eux, le plus important, c'est pas le tawhid, c'est le fait de reconnaître les imams. C'est ça la base de l'islam pour eux. Si tu reconnais ça, ça y est. Donc parmi les rafidats, donc il y a ceux-là, parmi les chiites, il y a ces groupes-là, et ils prétendent donc que les textes, il y a un sens caché et un sens apparent. Et le sens, comme je disais tout à l'heure, le sens apparent, c'est pour les gens ordinaires, puis le sens caché, c'est pour eux et pour les élites parmi eux. Tandis que les Batiniyas chez les Soufiyas, eh bien, il y a des individus comme Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Ibn Sab'in et Al-Hallaj. Et souvent, tu vas parler avec des Soufiyas, puis ils vont te dire, par exemple, si tu leur mentionnes des choses comme qu'est-ce qu'on a mentionné, du fait que certains pensent que les prophètes sont, les Awliyas, les saints sont au-dessus des prophètes, et ainsi de suite. Ils disent, ah, mais non, ça c'est des extrémistes, c'est pas des vrais soufis, hein, des choses comme ça. La réalité, c'est que tous les soufis, hein, dans toutes les toroques, peu importe, il y en a tu les trouves, ils ont, ces individus-là qui sont mentionnés, Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Ibn Al-Hallaj, sont considérés chez ces soufis comme étant des maîtres dans le soufisme. Et ils sont respectés par toutes les différentes voies soufis. Ils les considèrent comme leur modèle, hein, des exemples. Donc comment ils peuvent prétendre que, pour eux, ça c'est pas des vrais soufis, ou que ceux qui disent ça, c'est pas du vrai soufisme, et ils les vénèrent, et ils les respectent, et ils les mettent comme des modèles. Ça veut dire que c'est des menteurs. Ils prétendent que ce sont pas des, que ce sont pas leurs croyances, mais en réalité, ils les respectent, malgré qu'ils ont ces croyances-là. Hein? Et c'est ça qui est rusé avec le soufisme. C'est que, étant donné que c'est quelque chose qui est pas supporté par le Coran et la Sunna, et même le nom lui-même, il n'a aucune référence avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et bien, à cause de ça, ils peuvent donner au soufisme la définition qu'ils veulent. Et c'est pour ça que dans les livres des soufis, quand tu regardes les définitions qu'ils ont données, tu peux trouver jusqu'à 2000, même 3000 définitions différentes de ce que c'est le soufisme. Hein? Une fois, je me rappelle, il y avait des soufis qui étaient venus à la mosquée. Alors, je leur ai demandé, c'est quoi le soufisme? Ils m'ont dit, c'est se noyer dans l'amour d'Allah. C'est se noyer dans l'amour éternel d'Allah ou quelque chose comme ça. J'ai dit, ça, c'est une définition, tu vois, ça veut rien dire, en réalité. Allah le musta'an. Et tu vas rencontrer un autre, demain, il va te dire autre chose. Et comme certains mashaykh et certains ulama ont expliqué, que lorsque quelque chose a trop de définitions, eh bien, tu comprends à la fin qu'en réalité, c'est parce qu'on ne veut pas que tu saches qu'est-ce que c'est réellement. Parce que justement, on veut que ce soit caché. On ne veut pas que les gens sachent ce que c'est. Et c'est justement ça, en fait, le soufisme. Parce que dans le soufisme, il y a tellement d'égarements, tellement de paroles qui sont des paroles d'hérésie, de kufr et de shirk, que si... Yani, les gens étaient au courant justement de la réalité de ce qui est dans le soufisme, yani, les gens ils ne pourraient pas yani, l'accepter, hein? Ils s'écarteraient de ça, ils réaliseraient que c'est de l'égarement. Mais les soufis justement utilisent cette méthode de cacher la réalité de ce qu'ils suivent pour justement tromper les gens, continuer à les faire croire que qu'est-ce qu'ils sont, c'est des gens qui suivent uniquement yani, des actes d'adoration, du dhikr, de faire du rappel d'Allah, et qu'il n'y a rien de plus que ça dans leur voie, ou que c'est la voie de la du perfectionnement de la foi, et de se rappeler d'Allah, et de yani, ainsi de suite. Tout ça, c'est de l'apparence. La réalité, c'est tout autre, à l'intérieur du soufisme. Et c'est pour ça qu'ils ont des initiations, et qu'ils ont des bay'a, des serments d'allégeance qu'ils vont donner au cheikh de la tariqa. Et après, il y a des initiations, et à l'intérieur même du soufisme, il y a des degrés. Hein? Et chaque degré, il a son niveau de connaissance, et à chaque degré, il y a des épreuves aussi pour les mourides, pour celui qui rentre dans le soufisme. Il ne peut pas monter de degré avant d'avoir été éprouvé et testé. Hein? Le cheikh, il veut tester sa sincérité. Et les soufis, ils croient en général que leur cheikh, il sait même qu'est-ce qui est dans leur cœur. Hein? Et donc ils doivent avoir peur de leur cheikh comme ils ont peur d'Allah, même parfois ils ont plus peur de leur cheikh que d'Allah, hein? Et ça c'est du shirk, d'avoir peur plus des créatures que du créateur. Ça, ça rentre dans le shirk également. Donc ça, tout ça c'est pour dire que ces soufis qui croient en wahdatul wujud, qui croient en al-hulul, l'ittihad, l'unification, la fusion, de fusionner avec Allah, de devenir un avec Allah, ou que l'univers est Allah, et qu'Allah est tout, et que tout est Allah, ou que, en et toutes ces autres croyances de kufr et de shirk, hein, et l'adoration des saints, l'adoration de leur tombe, les prendre comme intermédiaires et intercesseurs, de croire en al-rawf, ou comme ils appellent al-qutb, al-qutb, al-qutb, le pôle du pôle, et que le pôle c'est lui qui contrôle l'univers, et il y a les rijal al-ghayb, les hommes invisibles, et qu'il y a les, celui qui est à la tête de ces hommes invisibles là, c'est al-qutb, puis c'est lui qui dirige l'univers, et qu'à chaque époque il y a un qutb, et que si tu veux faire une invocation, il faut passer par le qutb pour arriver à Allah, ou prendre un intermédiaire pour que nos doigts soient exaucés. Tout ça, c'est du shirk. Et tout ça, c'est des trucs que tu trouves dans les livres des soufis. Hein? Et ils enseignent ces croyances-là. Hein? Et après, tu leur dis, c'est ça le soufisme. Et eux, ils te disent, mais non, le soufisme, c'est pas ça. Hein? Et pour pourtant, tout ça, tu le retrouves dans leur livre et ils ne le nient pas, même qu'ils le défendent. Hein? Donc, après, ils te traitent de wahhabi. Quand tu leur montres qu'est-ce qu'ils font et qu'ils sont dans l'égarement, après, la seule chose qu'ils savent répondre, c'est « t'es un wahhabi ». Allah musta'an. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit chez l'islam, Ibn Taymiyyah? Il dit « wa minhum man yaqul bal ar-rasul alimaha walakin lam yubayyinha wa innama takallama bima yunaqiduha wa arada min al-khalq fahma ma yunaqiduha li'anna maslahata al-khalq fi hadhihi al-i'tiqadat allati la tutabiq al-haqq wa yaquluna ha'ula wa yaqulu ha'ula yajibu 'ala ar-rasul أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam? Donc il explique la deuxième maintenant, la deuxième catégorie. On a expliqué la première catégorie des gens de Tahyil, c'est ceux qui disent que le messager sallallahu alayhi wa sallam connaissait la réalité mais il ne l'a pas expliqué. Et l'autre catégorie qui disent qu'ils ne connaissaient pas la réalité. C'est pour ça qu'il a dit le contraire. Donc, ça c'est maintenant une de ces catégories-là qu'il explique. Il dit, parmi eux, parmi les gens de Tahyil, il y en a qui disent que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a connu la réalité, mais il ne l'a pas expliqué, il ne l'a pas clarifié aux gens. Il faisait, en fait, parler de ce qui est en opposition avec cette réalité-là. Il disait aux gens le contraire et qu'est-ce qui s'oppose à la réalité. Et il voulait uniquement de la création qu'ils comprennent ce qui oppose la vérité. Parce que c'était là-dedans que le bien des hommes était. C'est-à-dire que c'était dans ces croyances-là, qui ne sont pas en accord avec la vérité, qu'il y avait un bien pour eux. Subhanallah. Et ils disent, ceux-là disent, qu'il est obligatoire au messager d'appeler les hommes à croire en At-Tajsim, malgré que c'est faux, et d'appeler les hommes à croire en la résurrection des corps, malgré que cela est faux. Allez, subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire At-Tajsim? Cheikh Al-Fawzan, il dit Isbat al-Sifat, Isbat al-Sifat, Sammunahu At-Tajsim, لأن الصفات عندهم لا تقوم إلا بجسيم. فالذي يثبت الصفات مجسم وأهل السنة يقولون التجسيم لم يقولون أهل السنة يقولون التجسيم لم يأتي في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique, il dit ces gens-là disent que c'était obligatoire pour le messager d'appeler les hommes à la croyance en التجسيم, alors que c'est faux. التجسيم, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par tajsim? Tajsim, ça vient du terme jism. Et jism, ça veut dire un corps. Et donc, eux, le cheikh, il dit, eux, ils prétendent que d'affirmer les attributs d'Allah, qui sont mentionnés dans le Coran, dans la Sunna, que ça veut dire que tu affirmes un corps à Allah. Parce que pour eux, les attributs ne peuvent pas exister, excepté que c'est à un corps qu'elles sont attribuées. Donc, ils prétendent que on affirme, nous, un corps à Allah. Donc, ils appellent, les gens de la Sunna, ils les appellent des mujassim, des mujassima. Ils disent, vous êtes des gens qui affirmez à Allah ou attribuez à Allah un corps. Tandis que les gens de la Sunna, eux, disent, le terme corps, hein, jism, il n'est pas mentionné, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc, on n'a pas le droit de l'affirmer, et on n'a pas le droit de le nier. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'utiliser le terme jism à propos d'Allah, ni en affirmation ni en négation. Donc on ne va pas dire Allah a un corps et on ne va pas dire Allah n'a pas de corps, puisqu'on n'a pas trouvé ce terme-là dans le Coran ni dans la Sunna. Donc la position d'Ahl Sunna par rapport à ce terme, al-jism, ou bien aux autres termes qui ont été employés par les gens de Bid'a qui nient les attributs d'Allah, c'est la même chose. Hein? S'il mentionne quelque chose qui ne fait pas partie du Coran et de la Sunna, comme al-jism ou al-makan ou al-hayz, ou bien yani, d'autres termes comme ça, al-jihad, hein, ils disent, nous on dit, on ne l'affirme pas, puis on ne le dit pas, parce que c'est pas en accord avec ce qui est rapporté ou mentionné dans la révélation. Donc on s'arrête par rapport à ces termes-là, puis on ne les utilise pas. Mais on clarifie leur signification, et on affirme la signification qui est correcte, et on nie la signification qui contredit qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Donc, ça c'est le principe. Et il dit ensuite, le Cheikh wa yaquluna laysa hunaka ba'th, walakin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam akhbara 'an al-ba'th min ajli an yardi'a an-nas 'an al-akhlaq as-sayyi'ah. Fakathiba 'alayhim min bab at-takhwif lahum. Donc regardez qu'est-ce qu'il dit. Subhanallah. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Mais le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux gens qu'il allait avoir une résurrection pour faire peur aux gens, pour qu'ils cessent d'avoir des mauvais comportements. Donc, il leur a menti dans le but de leur faire peur. A'udhu billah. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas sincère, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon eux. Il ment aux gens. Hein? A'udhu billah. Beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les kuffars, parmi les laïcs, parmi les autres gens qui suivent les tendances modernes chez les hommes, en réalité, ils ont cette idée-là à propos de la religion et à propos des prophètes. Ça veut dire que pour eux, ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle prophète. Les prophètes, pour eux, c'est juste des êtres humains comme les autres qui ont inventé des choses, qui ont imaginé des choses pour contrôler les hommes. C'est ça ce qu'ils disent les kuffars aujourd'hui. Hein? Ils disent Dieu a été inventé par les hommes. Ils disent c'est les hommes qui ont inventé la religion, c'est les hommes qui ont inventé Dieu. C'est ça ce qu'ils disent. Hein? Subhanallah. Donc ils disent c'est l'homme qui a inventé Dieu. Et donc, ils disent, donc dans ce cas-là, c'est l'homme qui s'est créé lui-même. Hein? Si l'homme, si tu dis que c'est l'homme qui a créé ou qui a inventé Dieu. Donc ça veut dire quoi? L'être humain s'est créé tout seul? C'est l'être humain qui a créé les cieux et la terre? Hein? Il s'est créé tout seul? Dire que yani, c'est l'homme qui a créé Dieu, il faudrait qu'il commence par se créer lui-même. Hein? Il dit non, c'est le contraire. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est pas l'homme qui a créé Dieu. Parce qu'ils disent, eux, les kuffars, ils disent, l'homme a créé Dieu parce qu'il avait un besoin de croire en quelque chose. Hein? Et ils disent, il a créé donc la foi en le paradis et l'enfer, hein, pour se donner de l'espoir, pour se donner des trucs comme ça. C'est ça ce que les kuffars racontent aujourd'hui. Et moi, je disais à un des kuffars, il y en a qui discutait justement avec moi, là, il mentionnait ce genre d'idée-là. Lui, dans ce cas-là, il dit les croyants, les hommes ont inventé le paradis parce qu'ils ne veulent pas dire qu'après la mort, il n'y a rien. Il dit, et puis pourquoi ils ont inventé l'enfer alors? Hein, pour se donner de l'espoir d'aller en enfer. Il dit non. Il dit ça, c'est des croyances que Allah a fait connaître aux hommes par l'intermédiaire de ses messagers et par ses livres. Hein. Et donc, ça, c'est des réalités, c'est des vérités, hein, qu'il faut croire. Mais bien entendu, les diables, les shayatines, leur travail, c'est d'appeler les hommes à s'écarter de la vérité et à justement remplir l'enfer avec eux. Parce que c'est ça que Iblis veut. Il veut remplir l'enfer avec le plus d'hommes possible. Hein? Et donc il a trouvé le moyen, c'est de faire croire aux hommes que l'enfer n'existe pas, que le paradis n'existe pas, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah? Il dit, « وَيُخْبِرُهُمْ بِأَنَّ أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue donc à expliquer leur exemple. Il dit, et il informe les gens, c'est-à-dire ils disent que le messager a dit aux gens et a informé les gens que les gens du paradis vont manger et vont boire dans le paradis. Alors que cela est faux. Mais, il disait ça parce que c'était pas possible pour les prophètes d'appeler les hommes excepté de cette manière-là, qui comprend, qui implique le mensonge dans le bien des hommes, pour le bien des hommes. Cheikh Al-Fawzan dit Apollon, Al-Rasoul, فعلى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل مصلحة الخلق لا يمكن دعوة لا يمكن دعوتهم إلا بطريقة التخييل ولذلك جاء بها. Donc il prétend que le messager est venu avec ces idées-là pour le bien de l'humanité, pour le bien des hommes, et que c'est pas possible d'appeler les gens excepté par cette méthode d'inventer des choses et d'imaginer des choses. Et c'est pour ça qu'il l'a ramené. Donc ça, c'est ce qu'ils prétendent, ces gens-là. Il dit, فَهَذَا قَوْلُ هَؤُلَاءِ فِي نُصُوصِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, voilà la parole de ces gens-là au sujet des textes qui parlent de la foi en Allah et du jour dernier. Il dit, وَأَمَّا الْأَعْمَالِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرُّهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْرِيهَا هذا المجرى ويقولون إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض. Donc le cheikh il dit parmi les gens de Takhyil, parmi les Batiniyya, il y a des gens qui agissent la même chose de la même manière avec les actions que la charia nous a ordonné de faire. Parmi eux, il y en a qui affirment les actions, et parmi eux, il y en a d'autres qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils les interprètent de la même méthode que qu'est-ce qu'ils font par rapport à la foi en Allah et au paradis et au jour dernier, et ainsi de suite. Donc, ils disent que c'est pas tout le monde qui sont ordonnés d'appliquer les actions et les pratiques. C'est uniquement certaines personnes, et pas d'autres. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là, et il dit ما سبق بيانه عنهم إنما هو في أمر العقيدة أما الأعمال فهي الصلاة والصيام والحج والطاعة فمنهم من ينكرها ومنهم من يقرها ومن أجل مصلحة العوام أما الخواص فلا يحتاجون للعبادة ولذلك غلاة الصوفية لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يحرمون شيئا بل يستحبون المحرمات يستبيحون المحرمات ويقولون التحليل والتحريم للعوام أما الخواص فليس عليهم تحليل ولا تحريم لأنهم عرفوا الحق ولا يحتاجون إلى تحليل إلى التحليل والتحريم أعوذ بالله. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage qu'on a lu, et il dit, qu'est-ce qu'on a expliqué dans les passages précédents? On parlait des questions qui ont rapport avec la aqida, qui est la croyance. Mais en ce qui concerne la pratique religieuse et les actes, comme la salat, le jeûne, le hajj et l'obéissance à Allah, eux, parmi eux, il y en a qui le nient. Et parmi eux, il y en a qui l'affirment, mais qui disent que c'était dans le but, il y en a pour le bien des gens du commun, pour le bien de la masse. C'est-à-dire que pour les gens des élites, les gens qui ont été initiés à leurs idées, qui sont au-dessus, eux, ils n'ont pas besoin d'adorer. Ils n'ont pas besoin de faire aucune adoration. Et c'est pour ça que les extrémistes parmi les soufis, ils ne jeûnent pas, ils ne font pas de salat. Ils ne font pas de hajj. Ils ne considèrent rien comme étant haram. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent même les choses haram mubah. C'est-à-dire les choses qui sont interdites, ils les rendent comme étant permises. Et ils disent que le halal et le haram, ça c'est pour le commun des musulmans. Mais les gens des élites, ou les gens qui sont au-dessus, eh bien, eux, ils n'ont pas de halal et de haram. Tout est halal pour eux. Parce qu'ils ont connu la réalité et la vérité. Donc, ils n'ont pas besoin de savoir ou de suivre qu'est-ce qui est halal et haram. Donc il y a chez les soufis, il y a des gens qui croient en ça. Et c'est souvent cet exemple-là que Tariq Ramadan ramène pour dire, par exemple, les soufis new Age ou des choses comme ça, que tu pries pas, tu jeûnes pas, tu fais rien. Et il dit, ça, c'est pas des vrais soufis. Il dit, les vrais soufis, c'est les soufis qui sont vraiment rigoureux, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de ci, ou bien plus de prières, plus de jeûnes, plus de ci et ça. Et la réalité, c'est que, en fait, les soufis, ils font justement de l'extrême et de l'exagération dans l'adoration, comme les khawarij. Et puis après, ils s'égarent. Ils s'égarent, ils tombent dans... le but, pourquoi ils exagèrent dans les adorations, c'est parce qu'ils veulent essayer d'atteindre cet état de, qu'est-ce qu'ils appellent, d'atteindre la réalité, le haqiqa. Puis ils prétendent qu'une fois que tu as atteint cette réalité-là, tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de jeûner, tu n'as plus besoin de faire les actes d'adoration, de t'abstenir du haram, de faire ce qui est obligatoire, ce n'est pas nécessaire par la suite. Allah nous ta'ala. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit que ça, c'est pas dans le soufisme? La réalité, c'est que chez les tops, il y en a parmi les têtes du soufisme, parmi les chouyours qui sont à la tête des tours soufis, il y a tous ces exemples-là de gens qui cessaient de faire la salade, cessaient de faire les actes d'adoration et qui prétendaient qu'ils avaient atteint le degré qui leur permettait de ne rien faire. Même que pour devenir wali, tu ne peux pas devenir un wali sauf si tu n'as pas atteint ce degré-là de la soi-disant haqiqa. Et parmi eux, il y en a qui mettent comme condition pour arriver à cet état-là qu'il faut même arrêter de faire les actes d'adoration, il faut aller vivre même dans les impuretés, dans les dépotoirs, dans la saleté, dans les poubelles, avec les chiens et avec les saletés. Tu te laves plus, tu ne te purifies plus. Tu restes avec les saletés, puis il dit ça, c'est le signe que, en faisant ça, tu deviens un wali, parce que tu casses ton nafs, tu brises ton nafs. Non, il dit tu brises ton ego, tu brises ton ego, donc tu deviens un wali après. Parce que tu vois plus rien d'autre que Allah. Il dit, tu vas plus voir ton nafs, tu vas juste voir Allah. Non, mais c'est des idées que tu trouves chez les soufis, Allah Mustaan. Donc, tout ça, c'est de l'égarement, bien entendu. Et malgré tout, Yannick, même si en apparence, tu vois qu'eux, ils le critiquent ou ils le nient, en apparence, mais la réalité, c'est qu'ils considèrent ces hommes-là comme étant les références et les exemples à suivre. Allah Mustaan. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Ibn Taymiyyah? Il dit, « Wayu'mar » ويؤمر بها العامة دون الخاصة وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. Donc il dit que c'est uniquement les gens, parmi les gens du commun, les musulmans ordinaires, c'est eux qui sont ordonnés d'obéir, de faire ce qui est obligatoire et de s'abstenir de ce qui est haram et de faire les actes d'obéissance. Ça, c'est les gens du commun qui doivent faire ça. Eux qui ont seulement la charia. Ceux qui ont seulement la charia. Nous, on a la haqiqa, ils disent. Donc, on n'a plus besoin de ça. Allah al-musta'an. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, wal hajatu indahum, hum. Wal khassatu indahum, hum. Il dit, les khassas, pour eux, c'est qui? C'est eux. Les awliya. Les saints. الأقطاب الذين وصلوا إلى الله فلا يحتاجون إلى رسل ولا يحتاجون إلى شريعة ولا يحرم عليهم شيء ولا يحرم عليهم شيء ولا يجب عليهم شيء. الشيخ يقول ça c'est eux, pour eux les élites, c'est eux. Tu entends ces termes là même mentionnés dans les cours de Tariq Ramadan. Il dit les khawas. Al-Khawas, c'est le pluriel de Al-Khas, Al-Khassa. Et Al-Khassa, tout Al-Khassa. Même c'est ça qu'ils disent, par exemple, par rapport au dhikr. Il dit, le dire la ilaha illallah, ça c'est le dhikr des awam. Dire la ilaha illallah, ça c'est le dhikr des musulmans de la masse, du commun. Mais le dhikr des Khawas, c'est de dire. yani, qu'est-ce qu'ils disent eux? Je ne me rappelle plus Al-Khawas c'est quoi, mais il y a Al-Khawas, eux ils disent juste Hu. Hein? Ils ne disent pas la ilaha illallah, ils disent juste Hu, Hu, Hu, Hu. Hein? Donc ils vont s'asseoir comme ça, ils vont dire Hu, Hu. Il y a des turuq soufis comme ça, ils disent Inam, comme les jambes de chien. Non, mais c'est la vérité que ces gens-là, ils prétendent que ça, c'est le décret pour les élites. C'est pas le commun des musulmans qui peut faire ce décret-là. Alors qu'on sait que le meilleur décret, c'est de dire la ilaha illallah, et que c'est la parole, le meilleur décret que les prophètes ont dit, hein, et que c'est la meilleure parole. Eux, ils en font le décret du commun des musulmans. Hein? Donc le cheikh il dit al-khassatu 'indahum hum, pour eux les élites c'est eux, hein, la crème de la crème, les awliya, les saints, les aqtab, les pôles qui sont arrivés à Allah. Donc ils n'ont plus besoin de messagers, ils n'ont plus besoin de Coran, ils n'ont plus besoin de la sunna, ils n'ont plus besoin de la sharia, hein. Il n'y a plus rien qui est haram pour eux. Tout est halal. Il n'y a plus rien qui est obligatoire pour eux. Et parfois, ils mentionnent comme exemple un verset dans le Coran qui dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la réalité ou la certitude, la conviction. Donc, eux, ils interprètent le verset pour dire « Ça y est, moi j'ai atteint le yaqin, donc j'ai plus besoin de prier. » Plus besoin d'adorer Allah parce que j'ai atteint le yaqin. Hein? Et il y en a parmi les soufis, ils disent ça justement. Ils disent les shuyukh et les awliya, pendant la vie, ils sont occupés à l'adoration. Donc, on ne peut pas leur demander de nous aider pendant leur vie. Donc, quand ils sont morts, là, ils ont fini l'adoration. Donc, ils peuvent maintenant nous aider et nous servir. Donc, il faut les invoquer dans leur tombe. Hein? Des croyances comme ça. Et il y en a qui disent, même dans un de leurs livres, chez le Soufir, ils ont dit même, il faut apprendre aux gens de demander aux Awliya et aux saints, au lieu de leur dire de demander à Allah. Parce que si tu leur dis de demander à Allah et qu'ils ne sont pas exaucés, ils vont avoir des doutes en Allah et puis ils vont commencer à être en colère contre Allah. Tandis que si tu leur dis de demander aux awliya et qu'ils ne sont pas exaucés, donc là, ils ne vont pas être fâchés contre Allah, ils vont être fâchés contre les awliya, donc ce n'est pas grave, c'est moins pire. Allez, comment ils justifient le shirk avec des excuses vraiment complètement absurdes, hein, subhanallah. Donc, ça c'est chez eux, et après il dit... وهذه الطريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية. الإسماعيلية الشيخ يشرح كي سون لا سكت دي إسماعيلية. هي الإسماعيلية ونحوهم, والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر, لأن أئمة الشيعة معروفون منهم جعفر الصادق, وكان له ولدان موسى الكاظم ابن جعفر الصادق وإسماعيل ابن جعفر, وإسماعيل مات قبل أبيه. أما موسى الكاظم فإنه عاش يعني بعد أبيه, فهو الذي آلت إليه الإمامية عند الجعفرية, ولذلك أتباعه يسمونه الموسوية والجعفرية. والقسم الثاني قالوا إسماعيل هو الأكبر, وقد انتقلت الإمامة من أبيه إلى جعفر إليه لأنه هو الكبير, ويسمون بالإسماعيلية. نعم. Donc le cheikh explique l'origine de la secte qu'on appelle les Ismaïliya. Les Ismaïliya, c'est une secte qui croit en 8 imams au lieu des 12. Vous avez vu que les Rafida, on les appelle les 12 imams, les duodécimains. Tandis que les Ismaïliyas, eux, croient en 8 imams seulement. Parce que Ismaïl, c'était le fils de Ja'far. Et les imams, un de leurs 12 imams, c'était Ja'far al-Sadiq. Maintenant, parmi les 12 imams des Shia, il y en a qui font partie des musulmans de Ahl Sunnah. Ils ne sont pas des Shia, ils ne sont pas des Rafidah. Mais eux, ils les ont pris comme imams, ils ont inventé des mensonges sur eux. Comme Al-Hassan ou Al-Hussein, ils ne sont pas des Shia. Et Fatima, radiallahu anha, elle n'est pas parmi les Rafidah ou les Shia. Au contraire, elle fait partie de Ahl Sunnah, des gens de la Sunnah. La même chose pour Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Il fait partie des gens de la Sunna. Hein? Ce n'est pas un chi'i, ce n'est pas un rafidi. Hein? Mais ces gens-là ont menti sur eux et ont exagéré à leur sujet. Hein? Comme les chrétiens ont menti et exagéré à propos d'Isa ibn Maryam. Hein? Mais Isa ibn Maryam, c'est un prophète d'Allah. Hein? Et Ali, c'est un sahabi. Comme les autres, comme Abu Bakr, Omar et Othman. Hein? Et on les aime tous. Donc, il n'y a pas parmi eux qui étaient des. Yani, ces Sahaba, yani, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de les aimer tous, hein, et de prendre leur exemple. Il a dit suivez mon exemple, l'exemple de mes Sahaba, bien guidés après moi. Hein. Donc, on doit tous les suivre et tous les aimer. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, ils inventent des mensonges, comme je disais, à propos d'Ali, à propos Hassan, à propos de plusieurs autres également, et Ja'far al-Sadiq fait partie de ceux au sujet desquels ils ont menti aussi. Ja'far a eu deux fils. Ja'far al-Sadiq a eu deux fils, un qui s'appelait Moussa et un qui s'appelait Ismaïl. Et le plus vieux des deux, c'était Ismaïl. Ok? Mais Ismaïl, il est mort avant son père. Il est mort avant que son père meure. Donc, il s'appelait Ismaïl et l'autre s'appelle Moussa. L'autre fils s'appelle Moussa. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Rafida Ithna Ashriya, les 12 imams, eux, ce qu'on appelle les Ja'fariya, eux, ils ont pris comme imam Moussa, le deuxième fils, le plus jeune. Et ils ont dit, c'est lui le successeur. Tandis que les Ismaïliyoun, eux, ils ont pris Ismaïl comme imam. Ils ont dit, c'est lui notre imam, c'était le huitième. Étant donné qu'il est mort, bien, ils se sont arrêtés à huit. Ils se sont arrêtés à huit. Tandis que les autres, ils ont continué avec Ismaïl après. Avec Moussa. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les Moussaouis, les Ja'fariyyah. Donc, les Ismaïliyoun, c'est ceux qu'on trouve aujourd'hui, là, les Ismaïlites. Et les Rafida, c'est ceux qui ont suivi Moussa, hein, l'autre fils de Ja'far al-Sadiq. Donc il dit, en note de bas de page, il y a des explications supplémentaires, mais bon, c'est presque la même chose. Donc les Ismaïlites, c'est ceux-là, c'est les ésotériques. Et il dit ensuite, le cheikh, il a dit, donc c'est ça. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite وَأَمَّا أَهْلُ التَّأْوِيلِ فَيَقُولُونَ إِنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ إِنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي الصِّفَاتِ إِنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي الصِّفَاتِ لَمْ يَقْصُدْ بِهَا الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسَ الْبَاطِلِ ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. Donc le cheikh il explique ensuite le deuxième groupe, les gens de ta'wil. Hein? Les gens de ta'wil, qui sont-ils? Cheikh Al-Fawzan, il dit: هذا الصنف الثاني وهم أهل التأويل الذين صنف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ردا عليهم وهم الذين يقولون الأسماء والصفات ليست على ظاهرها لأن ظاهرها يقتضي التشبيه وإنما تؤول إلى معان أخرى ليس فيها تشبيه. Donc le cheikh il dit que ça c'est la deuxième catégorie. Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit ça c'est le deuxième groupe, la deuxième catégorie c'est les gens du ta'wil. Et les gens du ta'wil, c'est pour eux que Cheikh Al-Islam a écrit ce livre, Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et c'est eux qu'il voulait réfuter par ce livre, les gens du ta'wil. Et ce sont ceux qui disent que les noms et les attributs d'Allah ne sont pas dans leur sens apparent, mais que le sens apparent implique une ressemblance entre Allah et sa création. Donc, ils veulent déformer le sens des attributs d'Allah vers une signification autre dans laquelle il n'y aurait pas de ressemblance entre Allah et sa création. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ensuite, on va lire la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, puis on va lire qu'est-ce que dit Cheikh Al-Fawzan en commentaire par rapport à ça. Donc, il dit que les gens de Ta'wil, eux, ils disent que les textes qui sont mentionnés à propos des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils disent, contrairement au premier groupe, ils disent, on ne dit pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu que les gens croient en qu'est-ce qui est faux. On ne dit pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu que les gens croient en ce qui est faux, contrairement au premier, les gens de Ta'wil. Mais on dit, hein, ça c'est ce qu'ils disent eux, ils disent, on dit qu'il a voulu des significations, mais qu'il ne leur a pas expliqué c'était quoi ces significations-là. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des choses, mais que leur signification, il n'a pas expliqué aux gens c'était quoi leur vraie signification. Que la signification des termes qui sont utilisés pour parler d'Allah et de ses noms et de ses attributs, eh bien, ces significations-là ne sont pas les significations qui sont mentionnées dans ces textes-là, mais il faut plutôt regarder dans ces textes pour les analyser et essayer de comprendre la réalité et la vérité de ce que ces textes-là signifient en utilisant notre logique, en utilisant notre propre raison. Et donc, il faut ensuite faire des efforts pour essayer de déformer et de détourner les textes de ce que ces textes-là signifient réellement. Et le but, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, c'était pour les tester, et pour les charger, et pour les fatiguer leur raison et leur esprit, à essayer de déformer le sens de la parole vers une signification autre et vers un sens autre, qui est impliqué selon eux. Et donc, ils disent que, il faut connaître la vérité par autre que, qu'est-ce qui est mentionné dans les textes. Il faut la connaître par notre logique. Et ça, c'est la parole de qui? C'est la parole des mutakallima, des gens de kalam. Des gens qui se basent sur la théologie spéculative, sur la logique des kuffars, la logique des Grecs et des philosophes. Parmi les Jahmiyyah, les Mu'tazila et ceux qui sont rentrés avec eux dans ces choses-là, comme par exemple les Asha'ira et les Maturidiyah. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ja'a بهذه النصوص ولم يرد من الناس أن يعتقدوها على ظاهرها وإنما أراد منهم أن يؤولوها عن ظاهرها لأن ظاهرها عندهم لا يليق بالله وهذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بألغاز وأحاج ولم يأتي بكلام فصيح مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح. وهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ ولم يبين للناس المراد مما أنزل إليه من ربه. Donc le cheikh il dit que, cheikh, que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené ses textes, il a mentionné ses paroles du Coran et de la Sunna, mais qu'il n'a pas voulu que les gens croient en le sens apparent de ces textes-là. Mais il a seulement voulu que les gens déforment le sens de ces textes pour leur donner un autre, une signification autre que, son, que leur sens apparent. Autre que leur signification apparente. Parce que selon eux, le sens apparent de ces textes ne convient pas à Allah. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Et il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec des termes qui n'ont pas de signification, comme des codes, comme du langage mystique codé, des significations de paroles secrètes. Il n'est pas venu avec une parole qui est éloquente et claire et explicite, malgré qu'on sait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est la plus savante des créatures, la plus éloquente des créatures et le plus sincère et véridique des créatures. Donc, le fait de dire ça à propos du messager, de dire que il est venu avec des choses qui sont pas claires à propos d'Allah et qu'il a dit des choses qui ne sont pas dans leur sens apparent, ça c'est d'accuser le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas avoir transmis comme il faut la religion et de dire qu'il n'a pas clarifié pour les hommes la parole de son Seigneur. Le cheikh il dit donc que ça c'est pour clarifier qu'est-ce qu'ils disent. Après, qu'est-ce qu'il dit cheikh l'islam? Il dit والذي قصدنا والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. Là, le cheikh il a expliqué de qui il parle. Il a dit et ceux, notre intention de quand on a écrit ce livre, pour réfuter, c'était eux qu'on voulait réfuter dans cette fatwa. C'était ce groupe-là, les gens du ta'wil. Donc c'est qui? C'est les Jahmiya et ceux qui les ont suivis. Et c'est qui ceux qui les ont suivis? Les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya. Parce que quand on regarde par exemple les Jahmiya, ils n'existent plus aujourd'hui à notre époque comme secte indépendante. Il n'y a pas de Jahmiya tel quel. Et les Mu'tazila aussi la même chose. La secte des Mu'tazila, elle n'existe plus en tant que groupe organisé aujourd'hui à notre époque. Sauf que les idées et les croyances de ces sectes-là existent encore dans d'autres sectes. Parce que les sectes, elles s'héritent les unes les autres. De leurs égards. Donc, par exemple, la croyance des Jahmiyyah, de la négation des attributs et des noms d'Allah, elle a été héritée par les Mu'tazila par la suite. Et les Mu'tazila, eux, ont nié les attributs d'Allah. Et c'est qui a hérité de leur bid'a par la suite? C'est les Asha'ira et les Maturidiya. Et les Asha'ira et les Maturidiya, aujourd'hui, existent dans le monde musulman. Tu les retrouves dans plusieurs pays musulmans. Et tu les retrouves même dans les universités dans les pays musulmans. Et ils suivent donc la bid'a de la négation des attributs et le fait de faire le ta'wil et de déformer le sens apparent des attributs d'Allah et ainsi de suite. Donc, c'est de eux que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah voulait parler dans cette fatwa-là. Et à son époque, l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, beaucoup de juges et de shuyukh et de ulama faisait partie des gens de bid'a de ces trucs-là, de ces voies-là, parmi les soufis et parmi les asha'ira et les maturidiyah. Et donc, étant donné que certains d'entre eux, justement, avaient des positions d'autorité et avaient des positions de responsabilité dans l'État, parce que c'était des juges, parce que c'était des choses comme ça, eh bien, ils ont tout fait pour donner à l'imam Ibn Taymiyyah a des problèmes justement par rapport à l'aqida, parce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah les réfutait avec des livres comme Al-Fatwa Al-Hamawiyya, Al-Wasitiyya et Al-Tadmuriyya et d'autres livres aussi, et d'autres fatwas qu'il a écrit. Donc eux, ces différents ulama, ces différents juges, eh bien, ils allaient se plaindre auprès des dirigeants contre Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah pour le faire arrêter. Et donc, à chaque fois, le Cheikh l'Islam, il se retrouvait en prison. À chaque fois. Même pour son livre-là, le Fatwa al-Hamawiyya, celui-là, le Cheikh Ibn Taymiyyah a été en prison à cause de ce livre. Il a été jugé à cause de ce livre, na'am, parce qu'il affirmait la aqida des salafs. Et il ramenait les preuves. Et il réfutait la parole des gens. Des gens de Kalam, des gens des Asha'ara et des Maturidiyya. Donc, à cause de ça, eux lui donnaient des problèmes et il a été enfermé, emprisonné à cause de ça. Donc, on voit des exemples, hein, comment ils étaient. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit Ey, sannaf al-thani, hein, ey, as-sinf al-thani. Donc, c'est-à-dire, il a écrit cette réfutation et cette fatwa pour réfuter cette catégorie-là, la deuxième catégorie, c'est-à-dire. أهل التأويل الصنف الثاني وهم أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم الذين يؤولون الأسماء والصفات إلى غير معانيها وأما أهل التخييل وأهل التجهيل فالرد عليهم في كتب أخرى غير هذه الفتوى. Donc le Cheikh il dit donc que dans cette fatwa il voulait réfuter les gens du ta'wil parmi les jahmiya et les mu'tazila et ceux qui ont suivi leur voie, comme on a dit, les Asha'ira et les Maturidi. Et ceux qui ont, donc ce sont ceux qui déforment le sens des noms et des attributs vers d'autres significations différentes. Tandis que les gens de Tahil, le premier groupe, et les gens de Tajhil, hein, qui accusent le messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'ignorance, eh bien, le Cheikh, il dit qu'il les a réfutés dans d'autres livres, autres que cette fatwa, autres que la fatwa Hamawiyya. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a pratiquement écrit des livres sur chacun des groupes et chacune des sectes égarées de l'Islam. Il les a toutes réfutées. Il les a toutes réfutées. Et c'est pour ça que les gens de Bid'a le détestent. Et non. Donc, et après, qu'est-ce qu'il dit, le Cheikh? Il dit, donc, وَالَّذِينَ قَصَدْنَا الرَّدْ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْفُتْيَا هُمْ هَؤُلَا إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Et ça c'est un point important aussi. Il dit parce que les gens, يعني نفور عن الأولين يعني مشهور. C'est-à-dire les gens ils fuyaient les premiers groupes qu'on a mentionnés. C'est connu qu'ils fuyaient les gens de Tahil, les musulmans de la masse. Ils savaient que c'était des égarés. Ils se méfiaient d'eux, ils s'enfuyaient d'eux. Contrairement aux gens de Ta'wil. Parce que les gens de Ta'wil, eux, ils se donnent l'apparence et ils se font paraître, se font passer pour des défenseurs de la Sunna. Parce qu'ils viennent au nom de la sunna pour essayer de dire nous on vient pour défendre la sunna contre les mu'tazila. Et donc ils disent nous on affirme des attributs comme les Asha'ira et les Maturidiyya par exemple, ils disent nous on affirme des attributs mais ils affirment que 13 ou que 7, les autres ils les nient. Donc les gens qui les connaissent pas ils ont dit ah ces gens là ils réfutent les mu'tazila, donc ça veut dire qu'ils sont sur la vérité parce qu'ils sont sur la sunna, parce qu'ils réfutent qui? Ils réfutent les gens de bid'a, ils réfutent les mu'tazila et les jahmiya. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur la vérité. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la vérité. Le fait que tu réfutes les gens de Bid'a, ça ne veut pas dire que toi-même, t'es sur la sunna. Et la preuve, c'est que souvent, des gens de Bid'a réfutent d'autres gens de Bid'a par des Bid'a. Et ils ramènent des Bid'a à cause de ça. Naam. Hein? Des fois, tu vas avoir, par exemple, des chrétiens qui réfutent des athées. Hein? Tu vas avoir un chrétien qui réfute un athée. Est-ce que ça veut dire que le chrétien est sur la vérité? Non. Le chrétien lui-même est dans le shirk, dans l'égarement. Mais par contre, il réfute un athée. Hein? ça ne veut pas dire que le chrétien a raison. Et plein d'exemples. Donc, tu vois le Ash'ari qui réfute le Mu'tazili. Hein? Tu vois le Mu'tazili qui réfute le Jahmi. Mais malgré tout, ce sont tous des gens d'égarement. Ils sont tous entre eux dans l'égarement. Mais étant donné qu'ils se donnent l'apparence de vouloir défendre la Sunna dans plusieurs éléments, à cause de ça, ils trompent plus facilement les gens. Hein? Et donc, il faut faire attention, justement, de ne pas se faire tromper par l'apparence. Cheikh Al-Fawzan, il dit quoi? Il dit لأن الناس ينفرون عن السنف الأول الذين هم أهل التخيل والفلاسفة ولكن أهل التأويل يغرون الناس بأنهم علماء ويدعون نصرة السنة والرد على أهل الضلال فخطرهم على المسلمين أشد من خطر غيرهم. Le Cheikh il dit les gens ils s'enfuient plus du premier groupe, tandis que les gens comme les gens de Tahir, les philosophes, les gens s'enfuient d'eux, parce qu'ils voient que leur égarement est apparent et clair. Tandis que les gens de Ta'wil, ils trompent les gens en faisant croire que ce sont des ulama et qu'ils prétendent de défendre la sunna et de réfuter les gens de Dalal. Donc leur danger pour les musulmans est plus grave que le danger des premiers. Et ça, c'est toujours une parole que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre. Quand tu vois, par exemple, des paroles chez les ulama qui nous disent que par exemple, les hizbiyyin et les ikhwan et les tablir et les gens de dalal, les soufis, sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Hein? Donc, il y en a quand tu leur dis ça, ils disent Astaghfirullah, comment tu peux dire ça? Hein? Les juifs et les chrétiens, c'est des koufars. Hein? Puis toi, tu dis que les ikhwan et les tablir sont plus dangereux que pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Ils ne comprennent pas la raison. Mais les ulama ont expliqué, les ulama d'Ahl Sunna ont expliqué pourquoi on dit ça. Ça ne veut pas dire que les ikhwan et les tablir sont des koufars, qu'ils sont dans la mécréance comme les juifs et les chrétiens. Non. Ça veut dire que le danger qu'ils représentent pour égarer des musulmans est plus grand que le danger que les juifs et les chrétiens égarent des musulmans. Pourquoi? Parce que les juifs et les chrétiens, les musulmans savent que ce sont des kuffars déjà en partant. Quand tu vois un juif ou un chrétien, s'il y a un rabbin qui rentre ici, ou un moine ou un prêtre chrétien qui rentre ici avec la croix puis qui commence à dire aux musulmans, hein, croyez en qu'est-ce que je vous dis, écoutez-moi. Personne ne va l'écouter. Il n'y a pas un musulman qui va dire « Ah oui, mais c'est vrai, lui, il dit la vérité. » Non. Mais s'il y a quelqu'un qui rentre ici avec la barbe, avec le qamis, hein, avec l'apparence d'un musulman, et qu'il te dit « Qala Allah, Qala Rasulullah hein, » et qu'il te mentionne les choses qui ont rapport avec l'islam, mais que c'est un soufi, ou que c'est un ash'ari, ou que c'est un tabliri, ou que c'est un ikhwani, ou que c'est un soufi ou n'importe quel autre secte parmi les sectes d'égarement comme les khawarij, les takfiriyin, les sururiya ou les kutbiya ou d'autres sectes, eh bien là, les gens vont les écouter, vont dire, mais c'est des musulmans. Même des rafida hein, qui insultent les sahaba et qui adorent les tombes et les morts, ils parlent, ils disent, qala Allah, qala Rasulallah, qala sahaba, qala Ahlul Bayt, des choses comme ça. Ils disent, on aime Ahlul Bayt, on aime la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, on veut les défendre. Malgré tout, ce sont des gens qui sont plus dangereux, donc pour cette raison-là, sont plus dangereux que les juifs et les chrétiens. Hein? Donc, le danger est plus grand. Et donc, si tu vois des Jahmiyyah et des Mu'tazila ou des philosophes qui nient la révélation, le danger de ces gens-là est moins grand que le danger des Asha'ira et des Maturidiyya, qui eux prétendent d'affirmer les attributs et prétendent défendre la sunna contre ces sectes-là. Hein? C'est plus facile pour eux de tromper les musulmans que les Jahmiyyah et les Mu'tazila d'autres sectes qui sont plus clairement dans un égarement. Donc, qu'est-ce que ça signifie, si on veut résumer tout ça? Ça veut dire que plus la bid'a de quelqu'un, elle est subtile, plus la bid'a de quelqu'un, elle est difficile à comprendre ou à capter, plus plus la bid'a est cachée, et plus son danger est grand. C'est ça ce que ça signifie. Donc souvent, ceux qui sont plus proches de nous sont plus dangereux que ceux qui sont loin, lorsqu'ils s'égarent. Donc c'est très important à comprendre ce point-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Et on va terminer avec ça. Donc il dit, et ça c'est une parole, les ulama, ils la mentionnent souvent, cette parole que Cheikh l'Islam dit là maintenant, c'est une parole que les ulama mentionnent souvent. C'est une parole vraiment forte. Souvent ils le mentionnent comme exemple. Ils disent, « فَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لَا لِلْإِسْلَامِ نَصَرُوا وَلَا لِلْفَلَاسِفَةِ كَسَرُوا. » Bon, ça y est, j'ai réussi, alhamdoulilah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en réalité, ils n'ont pas défendu l'islam et ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas réussi à briser les philosophes non plus. Donc, ils se donnent l'image comme s'ils viennent pour défendre la sunna et l'islam contre les philosophes. Mais ils ont essayé de réfuter la bid'a par la bid'a. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin? Ils n'ont ni défendu l'islam et ils n'ont ni détruit et réfuté les philosophes. Ils n'ont pas été capables ni de faire l'un ni de faire l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les armes nécessaires. Ils n'ont pas les bases nécessaires pour être capables de réfuter le faux. Donc, ils le réfutent le faux, mais ils le réfutent qu'à moitié. Et ils essaient de défendre l'islam, mais ils le défendent qu'à moitié, même pas. Donc, ils n'ont pas défendu l'islam, ils n'ont pas donné la victoire à l'islam, et ils n'ont pas non plus réussi à casser et à briser et à réfuter les philosophes et les gens des garments. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh Al-Fawzan à ce sujet? Il dit « لِأَنَّهُمْ مَا رَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِنَّمَا رَدُّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ الْمَنْطِقِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ وَهَذَا لَا يَنْصُرُ الْإِسْلَامِ ولا يكسر الباطل وإنما يزيد الشر شرا سبحان الله فالذي يرد على أهل الضلال بغير الشرع وبغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد شيئا بل يزيد الأمر خطورة لأن الناس يختلفون في عقولهم وتصوراتهم. Qu'est-ce que le cheikh il dit là maintenant, Cheikh Al-Fawzan? Il faut l'écrire avec de l'encre en or. Parce que c'est la réalité. Il dit, pourquoi ils n'ont pas défendu, ils n'ont pas réussi à défendre l'islam et ils n'ont pas réussi à réfuter les philosophes. Pourquoi? Cheikh Al-Fawzan, il explique pourquoi. Et ça, c'est l'erreur que même des gens aujourd'hui font quand ils veulent parler à des kuffars, quand ils veulent parler à des gens des garments. L'erreur qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ne les ont pas réfutés selon le Coran et la Sunna. Mais ils les ont réfutés avec la philosophie elle-même, avec le ilm al-kalam. Et donc, ils n'ont pas défendu l'islam, parce que le kalam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Alors, comment tu veux défendre l'islam avec le batil? Tu ne peux pas. Ils veulent défendre la sunna avec la bid'a. Et ils n'ont pas non plus réussi à briser le faux et à réfuter le faux et à casser le faux. Et le cheikh dit même au contraire, ils n'ont fait que rajouter du mal au mal. C'est comme aujourd'hui, tu vois, il y a des musulmans parmi les hizbiyins. Ils essaient de réfuter ou de répondre aux koufars qui critiquent l'islam, parmi les laïcs et les autres, les laïcs, les démocrates. Ils veulent réfuter les koufars par la démocratie, par les droits de l'homme, par la laïcité. Comme des exemples, comme Tariq Ramadan et d'autres de cette catégorie-là. Donc quand ils vont parler et débattre avec les koufars au sujet de l'islam, au sujet des musulmans, au sujet du hijab, au sujet de la charia, au sujet de la religion, ils commencent à débattre avec eux en voulant parler sur leurs principes à eux. Non, mais la laïcité, elle n'est pas contre l'application de la religion. La loi de 1905 en France qui dit ci, qui dit ça, c'est comme si on dirait qu'ils ne sont pas en train de défendre l'islam, ils sont en train de défendre la laïcité des kuffars pour essayer de dire que non, c'est correct. Exactement, c'est comme aujourd'hui ici, par exemple, certains musulmans qui disent non, mais les musulmans, on a la liberté de religion parce que votre charte, elle nous permet, dans la charte canadienne, on a le droit de pratiquer notre religion. Donc, vous ne pouvez pas nous interdire ça. parce que la charte dit ci, la charte dit ça, et ça c'est la liberté de religion, et ci et ça. Au lieu de leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire la salat, nous a ordonné à la femme de porter le hijab, c'est une obligation religieuse dans le Coran, et nous, en tant que musulmans, on est obligé de se soumettre à ces ordres-là et de suivre ces enseignements-là. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de débat. Et non, mais en même temps, c'est une da'wa. On les invite à croire à Allah et à se soumettre à Allah. Mais non, eux, ils rentrent après, ils disent. Et non, ils rentrent dans le débat. Il y en a parmi eux, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, par exemple, nous, on est d'accord avec la liberté religieuse. Donc, si la femme qui veut se voiler le visage, elle veut le faire, elle peut le faire. Et si elle ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. Mais ce n'est pas une obligation religieuse et ça ne fait pas partie de l'islam. A'ouzou billah. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour eux, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en réalité? C'est quoi? C'est que le hijab ou le niqab, de couvrir le visage, c'est une bid'a pour eux. Parce que ça ne fait pas partie de l'islam. Mais la femme, elle est libre de le mettre ou de ne pas le mettre. Le hijab, elle est libre, elle peut le mettre si elle veut. Et celles qui veulent le mettre, on va respecter leur liberté. Puis celles qui veulent le mettre, on va respecter leur liberté. Exactement. Ça, c'est des langues fourchues. Hein? C'est des langues fourchues. Donc, tu dis, subhanallah, quelque chose que Allah a ordonné dans le Coran, et c'est clair dans les textes du Coran et de la Sunna, et dans les paroles des salafs, que Allah l'a ordonné, et que la femme doit le faire. Eux, ils disent, non, ce n'est pas obligatoire, ça ne fait pas partie de l'islam. Et après, ils disent, ben, selon les principes de liberté religieuse, si elles veulent porter, on n'a pas le droit de leur interdire. Ça veut dire que n'importe qui fait des bid'as dans l'islam, parce qu'il y croit, parce qu'il veut le faire, on doit le laisser. Hein? Donc si un musulman il dit, on veut faire le maulid al-Nabawi, on veut ramener des guitares et des pianos dans la mosquée, commencer à faire de la musique au nom de l'islam, oui, il faut les laisser parce que c'est la liberté religieuse. Où est-ce que c'est écrit ça dans le Coran? Où est-ce que c'est écrit ça dans la Sunna? Hein? Donc, ils n'ont pas défendu l'islam, et ils n'ont pas réfuté le prophète. Ils n'ont pas réfuté la laïcité, et ils n'ont pas défendu la charia d'Allah. Et même ici au Québec, hein, et à Montréal, tu vois surtout avec la question de la charte des valeurs, hein, et la question des accommodements, la même chose. Et c'est toujours là-dessus qu'ils jouent. Et même il y a des koufas, parmi les koufas, les députés qui demandent la question à ces hizbiyyin et à ces islamistes, soi-disant, ils leur disent, est-ce que le voile est une obligation religieuse? Il n'y en a pas un qui est capable de dire oui. Il n'y en a pas un qui est capable de répondre et de dire oui. Ils disent, c'est des prescriptions, ils disent, c'est ci, c'est ça. Mais, hein, c'est ça. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de dire la vérité? Que oui, c'est un ordre religieux. Que c'est Allah qui l'a ordonné. Et que la femme qui ne le porte pas, elle désobéit à son Créateur. Hein? Exactement. Non, mais ça, c'est parce qu'ils ont une politique derrière ça. Les hizbiyyins, ils font ça pour une raison, yani. Allahu al-musta'an. Eh non. Donc, on va juste terminer parce que déjà le cours c'est fini. Parce qu'il y a les frères qui. Il y a les frères et les sœurs qui écoutent en ligne. Donc, on va terminer le cours. Et juste pour terminer donc cette parole. Le cheikh, il dit, donc celui qui réfute les gens de l'égarement par autre que la charia et par autre que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené, ça ne sert à rien et ça ne fait qu'augmenter le danger. Et il dit, parce que les gens sont divergents dans leur niveau d'intelligence et de compréhension des choses, hein? Donc quand tu lis les livres d'Ibn Taymiyyah, quand il réfute les philosophes, il les réfute avec le Coran et la Sunna. Et après, il donne des arguments rationnels aussi qui supportent le Coran et la Sunna pour les réfuter. La même chose, c'est la même chose qu'il faut faire. Lorsque tu veux prouver au kuffar, par exemple, que l'islam est la vérité, que la démocratie est fausse, et que tout ce qui contredit la charia dans les droits de l'homme, c'est faux, et tout ce qui est dans la laïcité, c'est faux, parce que ça contredit le Coran et la Sunna, tu n'as juste qu'à ramener qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ces questions-là, et qu'est-ce que les sahaba ont agi, comment ils ont pratiqué, et c'est fini. Et toi, tu élèves la charia et tu rabaisses le coffre. Mais si tu rentres avec leur système et leurs idées, tu commences à penser déjà que leurs idées, elles sont bonnes ou elles sont vraies, puis tu essaies de dire oui, l'islam est en accord avec ces idées-là, déjà tu es en train de déformer l'islam, tu es en train de trahir la parole d'Allah et tu es en train de mentir à propos d'Allah et son message. Hein? Pour vouloir satisfaire le désir et les opinions des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des ennemis des prophètes. Et il y a un poudé. Et Allah nous sait. Non, l'exemple des miracles scientifiques là, et des miracles de trucs. Et puis souvent, il se passe. Hey. C'est parce qu'il se base sur des théories souvent, et c'est pas des choses qui sont fixes. C'est une théorie, elle est toujours en évolution. Hein. Aujourd'hui, tu comprends les choses d'une façon, puis à un moment donné, quand la théorie arrive plus à, la théorie est plus capable d'expliquer d'autres phénomènes, eh bien, on est obligé de chercher un nouveau modèle. Et donc, on trouve une autre. On trouve une autre théorie pour remplacer l'ancienne. Et donc, toi, tu te bases sur une théorie pour essayer d'interpréter le Coran, et après, dans 10 ans, on trouve une nouvelle théorie, qu'est-ce que tu vas dire avec l'ancienne? Donc, tu dois pas. Cheikh Al-Fawzan, il a parlé à ce sujet-là, il a dit, on n'a pas le droit d'interpréter le Coran en se basant sur les théories des kuffars, yani, de qu'est-ce qu'ils inventent à propos d'Allah. As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq, laisse-moi juste voir si sa date de naissance est mentionnée. Je ne le vois pas ici. Mais c'était dans les premiers siècles. Mais je ne peux pas te dire la date exacte maintenant parce que je n'ai pas la référence. Ça. Mais c'est-à-dire, comme je t'ai dit, les Rafidah, ils attribuent, ils prétendent suivre ces imams. Ensuite, ces imams, mais ils inventent à leur sujet des mensonges. Et ils ont les soufis, les chiites, rafida, ils ont des livres de hadith à eux, et leurs livres de hadith, c'est les paroles de leurs imams qui est dedans. Et tu vas lire dedans, il n'y a pas d'isnad, c'est-à-dire il n'y a pas de chaîne de transmission. C'est juste notre imam a dit telle affaire. Hein? Et Ja'far al-Sadiq, il lui attribue plein de paroles. Quand on retourne à ces paroles qui ont été rapportées par les gens d'Ahl Sunnah, tu vois qu'au contraire, même ils se désavouaient des Rafidah et des Shi'as. Allah musta'an. Donc, on va s'arrêter ici. On continue au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه